L'anarchie, une histoire des révoltes. C'est dans la collection Les Essentiels Milan de Claude Faber. Alors, qu'est-ce que l'anarchie? C'était d'abord le refus de toutes les règles et le refus de toute autorité. Alors, l'étymologie du mot est intéressante. L'anarchie. Le mot anarchie vient du grec. Tout d'abord avec an, on, an, qui veut dire, qui signifie privé, privatif, privé de, et arché, ou archéos, qui signifie commandement, pouvoir ou autorité. Donc, c'est l'organisation d'un peuple émancipé de toute tutelle gouvernementale. Pour les anarchistes, l'autorité peut venir de l'État, dans ce cas elle est politique, elle peut venir du capital, donc dans ce cas elle est économique, ou l'autorité peut être morale. Dans ce cas, c'est la religion. Mais dans tous les cas, pour les anarchistes, l'autorité ne vise qu'à assurer la puissance de quelques privilégiés au mépris de la liberté de tous et de l'égalité sociale. Et donc, tel d'autres mouvements d'extrême gauche, l'anarchiste veut abolir l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce qui est commun aux anarchistes, c'est la haine de l'État. C'est l'ennemi premier des anarchistes. Des libertaires, peut-on aussi dire. Une citation de Max Stirner, 1806-1856, qui était un théoricien allemand libertaire. Il affirme que l'État n'a toujours qu'un but, borner, lier, subordonner l'individu, l'assujettir à la chose générale. L'État cherche par sa censure, sa surveillance, sa police, à faire obstacle à toute activité. Moi, ce qui me plaît dans cette citation, c'est effectivement la notion d'assujettir à la chose générale. On sent bien que là, on sent bien cette réalité finalement, cette volonté de faire passer les idées de telle sorte que l'énergie d'un peuple soit tournée dans une direction. Et là, je trouve qu'on atteint un premier paradoxe, c'est que une certaine efficacité requiert cette volonté de l'État. Alors, par certaine efficacité. Il faut savoir ce qu'on veut dire. Efficacité économique, efficacité militaire, efficacité politique. En tout cas, moi, pour résumer, je dirais que l'abrutissement des peuples peut servir des intérêts généraux, mais pas l'intérêt général. Pas l'intérêt général, pas l'intérêt de tous. Mais en tout cas, ce qui est communément admis comme des intérêts des nations. Voilà. Ensuite, beaucoup de gens ont une idée de l'anarchisme, de l'anarchie, complètement simplifiée, qui vient d'ailleurs de l'utilisation du mot anarchie dans la langue de tous les jours. Quand on entend anarchie, c'est très simple, c'est uniquement le bordel, quoi, la chienlit. C'est ça l'anarchisme, ou l'anarchie plutôt. Mais pour les anarchistes, c'est une société où l'ordre régnerait. Car cette société, étant juste, ne provoquerait pas la frustration des individus. Il n'y aurait plus de lutte, puisque les gens seraient libres. C'est un peu l'idée d'anarchisme, bien sûr, même pour moi un peu utopique, mais bon, c'est l'idée. Je crois que là, on peut parler de Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, donc c'est un peu la même époque que Max Stirner. Tout ça, c'est arrivé en même temps. C'était l'un des principaux théoriciens libertaires, effectivement, l'origine du socialisme aussi, qui va jusqu'à affirmer que l'anarchie, c'est la société organisée et vivante. Et pour lui, c'est le plus haut degré de liberté et d'ordre auquel l'humanité puisse parvenir. Voilà. Donc finalement, les anarchistes veulent de l'ordre, mais pas un ordre imposé, un ordre naturel. Finalement, ça me rappelle encore un peu mon idée selon laquelle la contrainte, c'est une très très belle chose quand on peut se l'imposer à soi. Quand elle vient de l'extérieur, elle est toujours si mal vécue. Mais quand elle est le fruit de sa propre volonté et qu'elle est assumée, qu'elle est assumée, pensée, dépassée, ben la contrainte, c'est quelque chose qui nous grandit. Là, c'est un peu la même chose finalement. L'ordre artificiel, pour simplifier, on pourrait l'ordre des dictatures par exemple, c'est un ordre avilissant, c'est un ordre qui empère ce qui est de beau en l'homme. Et on peut donc on peut opposer ça à l'ordre d'une société émancipée, de gens suffisamment cultivés pour respecter l'autre naturellement. Voilà, c'est un peu une part du rêve anarchiste. Alors on peut aussi parler de la différence entre l'anarchisme et le socialisme, le marxisme. Bon, j'en suis au début là de ce livre, mais on peut dire, selon eux, ils disent que l'anarchisme c'est un courant du socialisme, car il s'inspire des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Il veut supprimer l'État et socialiser les moyens de production. Voilà, donc là, on est tout à fait d'accord, c'est vrai qu'il y a des points communs. La différence, c'est que les anarchistes souhaitent la destruction de l'État immédiatement. Alors que les socialistes veulent, dans un premier temps, s'emparer du pouvoir pour instaurer une dictature prolétarienne et ensuite détruire l'État de l'intérieur, peut-on dire finalement. Alors que il y a vraiment le risque pour les anarchistes, il faut pas passer par une phase transitoire. Alors Proudhon, encore lui, il parle des communistes. Et il les critique en disant que les communistes maintiennent, en l'agrandissant encore, l'État, le pouvoir, l'autorité, le gouvernement. Donc finalement, c'est un peu, c'est assez intéressant parce que finalement, il a pressenti le danger, il a pressenti le danger communiste. De son côté, le théoricien russe Michel Bakounine, autre grand anarchiste, 1814-1876, déclare qu'il déteste le communisme parce qu'il est la négation de la liberté et que je ne puis concevoir rien d'humain sans liberté. Donc voilà. Et je voudrais dire que finalement, oui, je trouve intéressante cette citation quand il dit que quand Bakounine dit qu'il ne peut concevoir rien d'humain sans liberté. Finalement, je dirais que c'est un peu le retour à l'homme. C'est-à-dire que dans la phase où l'homme est une sorte d'animal, dans la mesure où il vient à plus ou moins comme les grands primates, ou voilà, eh bien, il y a une forme de liberté. Alors certes, une liberté dans une extrême contrainte, et une liberté dans une socialisation quand même qui n'est pas sans violence et sans autorité, c'est vrai. Mais Il y a une liberté naturelle, si j'ose dire. C'est-à-dire que la seule liberté est imposée par notre condition. Condition, je veux dire, biologique, au sens de une très longue sélection nous a conduit là où on en est. Alors que dans la liberté dont parle Bakounine, eh bien, là, on parle d'une liberté supérieure, bien sûr. Une liberté ultime. Mais c'est encore, elle est accolée au mot humain. Et là, c'est pareil. On a la double. On a cette idée aujourd'hui que quelque chose d'humain, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, il y a aussi cette humanité naturelle, biologique, l'espèce humaine, sans connotation morale. Et puis, il y a l'humain, voilà, dont je parlais avant, l'humain moral, tu n'es pas humain, bon, l'humanisme, etc. Et la liberté, c'est un peu pareil, finalement. Et pour chacune de ces notions, entre cet humanisme rêvé ou cette liberté rêvée et cet humanisme, enfin pas l'humanisme, mais le fait d'être un humain, d'être cette liberté naturelle, etc., il y a eu entre les deux la civilisation. Civilisation telle qu'on la connaît par l'histoire. Et cette civilisation, elle est oppressante. Elle introduit des notions de culture qui enferment les hommes. Elle introduit des notions d'État. Et elle a fait les pires choses tout en croyant progresser. Bon, progresser, oui. Bon, on parlera de ça plus tard. Mais entre les deux, de même que pour le socialisme, le communisme est une. Non, pour les communistes, le socialisme est une phase transitoire. Donc le moment où les socialistes prennent l'État, prennent le pouvoir, eh bien de même, on pourrait imaginer que la liberté entre l'homme naturel, quasi bête, bête au sens noble du terme, eh bien, entre cette liberté ancienne et la liberté future, eh bien, entre les deux, on a une phase transitoire où l'homme a dû dépasser sa condition au lieu de finalement la reproduire à une autre échelle. Un premier mot aussi concernant le rapport des anarchistes aux élections, à la démocratie finalement. Élection piège à con, voilà, c'est ce qui est dit dans le livre. Pour les anarchistes, le suffrage universel est un leurre, une duperie. Donc, c'est entrer dans le jeu du pouvoir, admettre son utilité. Eh bien, non. Ils refusent tout cela, donc certains ne votent pas. Alors, à la base même, la plupart ne votaient pas. Maintenant, bien sûr, je pense que beaucoup d'anarchistes votent. Je crois que il y aura mention plus tard dans le livre. Mais il y a une notion intéressante qui est ajoutée dans le livre, qui est que pour les anarchistes, la majorité n'a pas forcément raison. C'est une telle évidence que c'en est troublant. Comme on dit, c'est d'accord, mais c'est ce qu'il y a de moins pire, hein. Churchill disait, la démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exclusion de tout autre. Ouais, c'était tout à fait ça. Alors bon, il y a des façons de faire, il y a des façons de faire. On peut voter pour des partis qui se rapprochent le plus de nos idées. Mais il y a quand même ce rapport conflictuel à l'élection, au vote, que les anarchistes rencontrent. Moi-même, quand je vote, je suis toujours un peu embêté. Maintenant, je choisis souvent. J'aime plusieurs choses, en fait. J'essaye de croiser deux volontés. D'une part, voter pour un parti avec des idées pas trop trop éloignées des miennes, donc plutôt l'extrême gauche. Et l'autre point, c'est la notion de faire éclater en fait la notion de grosse majorité d'idées on aurait plus de la moitié des gens qui penseraient la même chose, puisqu'ils votent pour la même chose, ils pensent la même chose. Non, bien sûr, c'est idiot. Donc, mon autre ambition en votant, c'est de voter pour le plus petit parti. Bon, mais pas à gauche, pas à droite quand même. Hein. Voilà, c'est un point intéressant sur les élections, mais je pense qu'on y reviendra plus loin dans le livre. Oui, petite suite sur l'anarchisme. L'un des points importants de l'anarchisme est un rationalisme, en fait, qui est latent dans l'anarchisme. Car elle est assez reliée, enfin, elle a quelques racines dans les philosophies fondées sur la raison. C'est vrai qu'elle est née en même temps que. Pas en même temps, mais un peu dans le même siècle que le positivisme et ce genre de philosophie qui prônait la raison, le progrès. Le rationalisme des anarchistes est lié au fait que pour eux, l'homme est doté de raison. Et tout ce qui peut contrarier l'exercice de cette raison doit être écarté. Donc, l'individu doit pouvoir jouir de son droit de liberté et de sa totale indépendance. En fait, toute action des anarchistes vise à dégager les hommes de toutes les contraintes de la société qui les font vivre en esclaves. Une société libre, ce sont des hommes libres. Et ça, c'est un peu. Bon. C'est un peu amusant parce que notre société, tout le monde reconnaît, tout le monde dit qu'elle est libre, effectivement. Mais est-ce qu'on reconnaît que tout le monde est libre? Ouais, de plus en plus les gens sont dubitatifs, on n'est jamais vraiment libre, disent-ils, mais oui, effectivement, effectivement. Voilà. De plus, les anarchistes revendiquent une égalité économique, sociale et morale, contraire à l'organisation sociale capitaliste. Car pour eux, elle est source d'inégalité. Ils préconisent finalement une organisation fondée sur la libre association, sur la libre fédération des personnes, communes, villages. De même, la terre, enfin, ils sont contre la propriété des moyens de production. Un peu comme là, ça rejoint effectivement le communisme. Et donc la terre elle-même, la terre ne peut être privée. Car elle doit rester un patrimoine collectif, géré en fonction des besoins présents de la communauté, et selon des principes d'équité, surtout. Car effectivement, l'anarchisme est fortement basé sur la solidarité et l'entraide. Les anarchistes présentent l'entraide comme étant une condition naturelle, pardon, de la vie sociale et surtout une garantie contre la lutte entre groupes et individus. Plus l'entraide est pratiquée, plus la société se trouve dans une situation de progrès moral, intellectuel et social. Donc, cette dernière phrase est tirée du lexique de l'anarchisme. De même, l'anarchie est considérée par ses militants comme une éthique. C'est tout à fait vrai, effectivement. Pour eux, c'est une façon de se comporter et de considérer les relations humaines dans le respect de certaines valeurs qui, pour certains, sont humanistes. Pour d'autres, bien sûr, c'est pas du tout le cas. Donc les anarchistes ne veulent dépendre d'aucune morale, d'aucune loi, d'aucune ligne de conduite dictée par l'État, l'Église ou le monde des patrons, comme il est dit dans le livre. Ils sont aussi, je ne l'ai pas dit, mais ils sont antimilitaristes car ils sont révoltés et rejettent les discours et l'attitude des gouvernants. Religieux, magistrats, policiers. Donc ils combattent aussi les institutions militaires et donc ils prônent l'objection de conscience.